À l'occasion du 64e anniversaire de la grande victoire dans la guerre de libération de la patrie, les rassemblements, séminaires, expositions de livres, de photos et de beaux-arts et séances de films ont eu lieu en Bulgarie, en Allemagne et en Égypte. Dans les salles de cérémonie étaient exposées les photos qui montrent les exploits immortels du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il et les photos des activités révolutionnaires des dirigeants suprêmes Kim Jong-un. Y étaient également exposées les œuvres classiques des grands hommes Baek-tsan, les livres et photos qui présentent la fière réalité de la Corée du Tse et les tableaux de peinture traduisant l'intelligence et les talents de la nation coréenne. En séance de film, on a projeté les documentaires coréens comme « La force militaire de la Corée vue à travers le défilé militaire ». Y ont pris part les personnalités de différents milieux et les habitants des pays hôtes. Aux cérémonies tenues en Bulgarie et en Allemagne, on a adopté un message de félicitations et un message de solidarité à l'adresse du dirigeant suprême Kim Jong-un.